À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le Centre d'études de la politique de Sungun du Brésil a inséré dans son homepage internet l'œuvre du général Kim Jong-il. Le Sungun est une éminente ligne révolutionnaire de notre époque et la bannière de l'invincibilité de notre révolution, avec le portrait en sourire de l'auteur.